Chapitre 1. Aventurier précoce. Mon nom est Arthur Gordon Pym. Mon père était un respectable commerçant dans les fournitures de la marine, à Nantucket, où je suis né. Mon aïeul maternel était attorné, avec une belle clientèle. Il avait de la chance en toutes choses, et il fit plusieurs spéculations très heureuses sur les fonds de l'Edgarton New Bank, lors de sa création. Par ses moyens et par d'autres, il réussit à se faire une fortune assez passable. Il avait plus d'affection pour moi, je crois, que pour toute autre personne au monde, et j'avais lieu d'espérer la plus grosse part de cette fortune à sa mort. Il m'envoya, à l'âge de 6 ans, à l'école du vieux monsieur Ricketts, brave gentleman qui n'avait qu'un bras et de manière assez excentrique. Il est bien connu de presque toutes les personnes qui ont visité New Bedford. Je restai à son école jusqu'à l'âge de 16 ans et je la quittai alors pour l'académie de monsieur E. Ronald, sur la montagne. Là, je me liai intimement avec le fils de monsieur Barnard, capitaine de navire, qui voyageait ordinairement pour la maison Lloyd et Wedenburg. Monsieur Barnard est bien connu aussi à New Bedford, et il a, j'en suis sûr, plusieurs parents à Edgarton. Son fils s'appelait Auguste, et il était plus âgé que moi de 2 ans à peu près. Il avait fait un voyage avec son père sur le baleinier, le John Donaldson, et il me parlait sans cesse de ses aventures dans l'océan Pacifique du Sud. J'allais fréquemment avec lui dans sa famille, j'y passais la journée et quelquefois toute la nuit. Nous couchions dans le même lit, et il était bien sûr de me tenir éveillé presque jusqu'au jour en me racontant une foule d'histoires sur les naturels de l'île de Tignan et autres lieux qu'il avait visités dans ses voyages. Je finis par prendre un intérêt particulier à tout ce qu'il me disait. Et peu à peu, je conçus le plus violent désir d'aller sur mer. Je possédais un canot à voile qui s'appelait l'Ariel et qui valait bien $75 environ. Il avait un pont coupé avec un cocheron et il était gréé en slope. J'ai oublié son tonnage, mais il aurait pu tenir 10 personnes sans trop de peine. C'était avec ce bateau que nous avions l'habitude de faire les plus folles équipées du monde. Et maintenant, quand j'y pense, c'est pour moi le plus parfait des miracles que je sois encore vivant. Je raconterai l'une de ces aventures en manière d'introduction à un récit plus long et plus important. Un soir, il y avait du monde chez M. Barnard, et à la fin de la soirée, Auguste et moi, nous étions passablement gris. Comme je faisais d'ordinaire en pareil cas, au lieu de retourner chez moi, je préférais partager son lit. Il s'endormit fort tranquillement. Je le crus du moins. Il était à peu près 1 heure du matin quand la société se sépara. Et sans dire un mot sur son sujet favori. Il pouvait bien s'être écoulé 1/2 heure depuis que nous étions au lit, et j'allais justement m'assoupir quand il se réveilla soudainement et jura, avec un terrible juron, qu'il ne consentirait pas à dormir pour tous les Arthur Pym de la chrétienté, quand soufflait une si belle brise du sud-ouest. Jamais de ma vie je ne fus si étonnée, ne sachant pas ce qu'il voulait dire, et pensant que les vins et les liqueurs qu'il avait absorbés l'avaient mis absolument hors de lui. Il se mit néanmoins à causer très tranquillement, disant qu'il savait bien que je le croyais ivre, mais qu'au contraire, il n'avait jamais de sa vie été plus calme. « Il était seulement fatigué, ajouta-t-il, de rester au lit comme un chien par une nuit aussi belle, et il était résolu à se lever, à s'habiller et à faire une partie en canot. » Je ne saurais dire ce qui s'empara de moi, mais à peine ces mots étaient-ils sortis de sa bouche que je sentis le frisson de l'excitation, la plus grande ardeur au plaisir, et je trouvai que sa folle idée était une des plus délicieuses et des plus raisonnables choses du monde. La brise qui soufflait était presque une tempête, et le temps était très froid. Nous étions déjà assez avant en octobre. Je sautai du lit toutefois, dans une espèce de démence, et je lui dis que j'étais aussi brave que lui, aussi fatiguée que lui de rester au lit comme un chien, et aussi prête à faire toutes les parties de plaisir du monde que tous les augustes barnards de Nantucket. Nous mîmes nos habits en toute hâte, et nous nous précipitâmes vers le canot. Il était amarré au vieux quai, ruiné près du chantier de construction de Panquet et compagnie, battant affreusement de son bordage les solives raboteuses. Auguste entra dedans et se mit à le vider, car il était à moitié plein d'eau. Cela fait, nous hissâmes le foc et la grande voile, nous portâmes plein, et nous nous élançâmes avec audace vers le large. Le vent, comme je l'ai dit, soufflait frais du sud-ouest. La nuit était claire et froide. Auguste avait pris la barre, et je m'étais installé près du mât sur le pont de la cabine. Nous filions tout droit avec une grande vitesse, et nous n'avions ni l'un ni l'autre soufflé un mot depuis que nous avions détaché le canot du quai. Je demandai alors à mon camarade quelle route il prétendait tenir et à quel moment il croyait que nous reviendrions à terre. Il siffla pendant quelques minutes et puis dit d'un ton hargneux « Moi, je vais en mer. Quant à vous, vous pouvez bien aller à la maison si vous le jugez à propos. » Tournant mes yeux vers lui, je m'aperçus tout de suite que, malgré son insouciance affectée, il était en proie à une forte agitation. Je pouvais le voir distinctement à la clarté de la lune. Son visage était plus pâle que du marbre, et sa main tremblait si fort qu'à peine pouvait-elle retenir la barre. Je vis qu'il était arrivé quelque chose de grave, et je devins sérieusement inquiet. À cette époque, je n'étais pas très fort sur la manœuvre, et je me trouvais complètement à la merci de la science nautique de mon ami. Le vent venait aussi de fraîchir tout à coup, car nous étions vigoureusement poussés loin de la côte. Cependant, j'étais honteux de laisser voir la moindre crainte, et pendant près d'une heure, je gardais résolument le silence. Toutefois, je ne pus pas supporter cette situation plus longtemps, et je parlai à Auguste de la nécessité de revenir à terre. Comme précédemment, il resta près d'une minute sans me répondre et sans faire attention à mon conseil. « Tout à l'heure, » dit-il enfin, « nous avons le temps, chez nous, tout à l'heure. » Je m'attendais bien à une réponse de ce genre, mais il y avait dans l'accent de ses paroles quelque chose qui me remplit d'une sensation de crainte inexprimable. Je le considérai de nouveau attentivement. Ses lèvres étaient absolument livides, et ses genoux tremblaient si fort l'un contre l'autre qu'il semblait ne pouvoir qu'à peine se tenir debout. « Pour l'amour de Dieu, Auguste !» criai-je, complètement effrayé cette fois. « Qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il ? Que décidez-vous ? » « Qu'y a-t-il ? » balbutia Auguste avec toute l'apparence d'un grand étonnement, lâchant en même temps la barre du gouvernail et se laissant tomber en avant dans le fond du canot. « Qu'y a-t-il ? Mais rien, rien du tout. À la maison, nous y allons, que diable ! Ne le voyez-vous pas ?» Alors, toute la vérité m'apparut. Je m'élançai vers lui et le relevai. Il était ivre, bestialement ivre. Il ne pouvait plus ni se tenir, ni parler, ni voir. Ses yeux étaient absolument vitreux. Dans l'excès de mon désespoir, je le lâchai et il roula comme une bûche dans l'eau du fond du canot d'où je l'avais tiré. Il était évident que pendant la soirée, il avait bu beaucoup plus que je ne l'avais soupçonné, et que sa conduite au lit était le résultat d'une de ces ivresses profondément concentrées, qui, comme la folie, donne souvent à la victime la faculté d'imiter l'allure des gens en parfaite possession de leurs sens. L'atmosphère froide de la nuit avait produit bientôt son effet accoutumé. L'énergie spirituelle avait cédé à son influence, et la perception confuse que sans aucun doute il avait eue alors de notre périlleuse situation n'avait servi qu'à hâter la catastrophe. Maintenant, il était absolument inerte et il n'y avait aucune probabilité pour qu'il fût autrement avant quelques heures. Il n'est guère possible de se figurer toute l'étendue de mon effroi. Les fumées du vin s'étaient évaporées et me laissaient doublement timide et irrésolue. Je savais que j'étais absolument incapable de manœuvrer le bateau et qu'une brise furieuse, avec un fort reflux, nous précipitait vers la mort. Une tempête s'amassait évidemment derrière nous. Nous n'avions ni boussole, ni provisions. Et il était clair que, si nous tenions notre route actuelle, nous perdrions la terre de vue avant le point du jour. Ces pensées et une foule d'autres également terribles traversèrent mon esprit avec une éblouissante rapidité. Et pendant quelques instants, elles me paralysèrent au point de m'ôter la possibilité de faire le moindre effort. Le canot fuyait en plein devant le vent. Il piquait dans l'eau et filait avec une terrible vitesse, sans un risque dans le foc ni dans la grande voile, et plongeant complètement son avant dans l'écume. C'était le miracle des miracles qu'il ne masqua pas, Auguste ayant lâché la barre, comme je l'ai dit, et j'étais quant à moi trop agité pour penser à m'en emparer. Mais par bonheur, le canot se tint devant le vent, et peu à peu je recouvrais en partie ma présence d'esprit. Le vent augmentait toujours d'une manière furieuse, et quand, après avoir plongé de l'avant, nous nous relevions, la lame retombait, écrasante sur notre arrière, et nous inondait d'eau. Et puis j'étais si absolument glacée dans tous mes membres que je n'avais presque pas conscience de mes sensations. Enfin, j'invoquai la résolution du désespoir et, me précipitant sur la grande voile, je larguai tout. Comme je pouvais m'y attendre, elle fila par-dessus l'avant et, submergée par l'eau, elle emporta net le mât par-dessus le bord. Ce fut ce dernier accident qui me sauva d'une destruction imminente. Avec le foc seulement, je pouvais maintenant fuir devant le vent, embarquant de temps à autre de gros paquets de mer par l'arrière, mais soulagé de la terreur d'une mort immédiate. Je me saisis de la barre et je respirai avec un peu plus de liberté, voyant qu'il nous restait encore une dernière chance de salut. Auguste gisait toujours anéanti dans le fond du canot. Et comme il était en danger imminent d'être noyé, il y avait presque un pied d'eau à l'endroit où il était tombé. Je m'ingéniai à le soulever un peu, et pour le maintenir dans la position d'un homme assis, je lui passai autour de la taille une corde que j'attachai à un anneau sur le pont de la cabine. Ayant ainsi arrangé toute chose du mieux que je pouvais, glacé et agité comme je l'étais, je me recommandai à Dieu, et je me résolus à supporter tout ce qui m'arriverait avec toute la bravoure dont j'étais capable. À peine m'étais-je affermi dans ma résolution que soudainement un grand, long cri, un hurlement, comme jaillissant des gosiers de mille démons, sembla courir à travers l'espace et passer par-dessus notre bateau. Jamais, tant que je vivrai, je n'oublierai l'intense agonie de terreur que j'éprouvais en ce moment. Mes cheveux se dressèrent roides sur ma tête. Je sentis mon sang se congeler dans mes veines. Mon cœur cessa entièrement de battre. et sans même lever une fois les yeux pour voir la cause de ma terreur, je tombais, la tête la première, comme un poids inerte, sur le corps de mon camarade. Je me trouvais, quand je revins à moi, dans la chambre d'un grand navire baleinier, le Pingouin, à destination de Nantucket. Quelques individus se penchaient sur moi, et Auguste, plus pâle que la mort, s'ingéniait activement à me frictionner les mains. Quand il me vit ouvrir les yeux, ses exclamations de gratitude et de joie excitèrent alternativement le rire et les larmes parmi les hommes aux rudes visages qui nous entouraient. Le mystère de notre conservation me fut bientôt expliqué. Nous avions été coulés par le baleinier, qui gouvernait au plus près et louvoyait vers Nantucket avec toute la toile qu'il pouvait risquer par un pareil temps. Conséquemment, il courait sur nous presque à angle droit. Quelques hommes étaient de vigie à l'avant, mais ils n'aperçurent notre bateau que quand il était impossible d'éviter la rencontre. Leur cri d'alarme était ce qui m'avait tellement terrifié. Le vaste navire, me dit-on, avait passé sur nous avec autant de facilité que notre petit bateau aurait glissé sur une plume, et sans le moindre dérangement dans sa marche. Pas un cri ne s'éleva du pont du canot martyrisé. Il y eut seulement un léger bruit, comme d'un déchirement, qui se mêla au mugissement du vent et de l'eau, quand la barque fragile, déjà engloutie, fut rabotée par la quille de son bourreau. Mais ce fut tout. Pendant que notre bateau, dématé, on se le rappelle, n'était qu'une épave de rebut, le capitaine E.T.V. Block de New London, allait continuer sa route sans s'inquiéter autrement de l'aventure. Par bonheur, deux des hommes qui étaient en vigie jurèrent positivement qu'ils avaient aperçu quelqu'un à la barre et dirent qu'il était encore possible de le sauver. Une discussion s'ensuivit, mais Block se mit en colère et dit au bout d'un instant que ce n'était pas son métier de veiller éternellement à toutes les coquilles d'œufs, que le navire ne virerait certainement pas de bord pour une pareille bêtise, et que s'il y avait un homme englouti, c'était bien sa faute, qu'il ne s'en prit qu'à lui-même, qu'il pouvait se noyer et s'en aller au diable. Ou quelque autre discours dans le même sens. Anderson, le second, reprit la question, justement indigné, comme tout l'équipage d'ailleurs, d'un discours qui trahissait une telle cruauté, une telle absence de cœur. Il parla fort nettement, se sentant soutenu par les matelots. Dit au capitaine qu'il le considérait comme un sujet digne du gibet, et que pour lui, il désobéirait à ses ordres. Quand même, il devrait être pendu pour cela au moment où il toucherait terre. Il courut à l'arrière en bousculant Block, qui devint très pâle et ne répondit pas un mot, et, s'emparant de la barre, cria d'une voix ferme « La barre toute sous le vent !» Les hommes coururent à leur poste, et le navire vira rondement. Tout cela avait pris à peu près 5 minutes, et il paraissait à peine possible maintenant de sauver l'individu qu'on croyait avoir vu à bord du canot. Cependant, comme le lecteur le sait, Auguste et moi, nous avions été repêchés, et notre salut semblait être le résultat d'un de ces merveilleux bonheurs que les gens sages et pieux attribue à l'intervention spéciale de la Providence. Pendant que le navire était toujours en panne, le second fit amener le canot et sauta dedans, je crois, avec les deux hommes qui prétendaient m'avoir vu à la barre. Ils venaient justement de quitter le bord de dessous le vent, la lune était toujours très claire, quand le navire donna un fort et long coup de roulis du côté du vent, et Anderson, au même instant, se dressa sur son banc, cria à ses hommes de nager acculé. Il ne disait pas autre chose, criant toujours avec impatience « Nager acculé, nager acculé !» Il nageait aussi vivement que possible, mais pendant ce temps, le navire avait tourné et commençait à aller de l'avant. bien que tous les bras à bord s'employassent à diminuer la voile. Malgré le danger de la tentative, le second se cramponna aux grandes portes haubans, aussitôt qu'ils furent à sa portée. Une nouvelle grosse embardée jeta alors le côté de tribord hors de l'eau, presque jusqu'à la quille. Et enfin, la cause de son anxiété devint visible. Le corps d'un homme apparaissait, attaché de la manière la plus singulière, au fond poli et brillant. Le pingouin était doublé et chevillé en cuivre, et battait violemment contre le navire à chaque mouvement de coque. Après quelques efforts inefficaces, renouvelés à chaque embardée du navire, au risque d'écraser le canot, je fus enfin dégagé de ma périlleuse situation et hissé à bord. Car ce corps, c'était moi. Il paraît que l'une des chevilles de la charpente, qui était ressortie et s'était frayée une voie à travers le cuivre, m'avait arrêté pendant que je passais sous le navire, et m'avait ainsi, de la manière la plus singulière, attaché au fond. La tête de la cheville avait percé le collet de ma veste de gros drap et la partie postérieure de mon cou, et s'était enfoncé deux tendons juste sous l'oreille droite. On m'avait mise immédiatement au lit, bien que la vie parût tout à fait éteinte en moi. Il n'y avait pas de médecin à bord. Le capitaine, néanmoins, me traita avec toutes sortes d'attentions. Sans doute pour faire amende aux yeux de son équipage de son atroce conduite dans la première partie de l'aventure. Cependant, Anderson s'était de nouveau éloigné du navire, bien que le vent alors tournât presque à l'ouragan. Au bout de quelques minutes, il tomba sur quelques débris de notre bateau, et peu après, l'un de ses hommes lui affirma qu'il distinguait de temps en temps un cri à travers le mugissement de la tempête. Cela poussa les courageux matelots à persévérer dans leurs recherches plus d'une demi-heure, malgré les signaux répétés du capitaine Block qui leur enjoignait de revenir. Et bien que chaque minute dans cette frêle embarcation fût pour eux un danger mortel et imminent. Il est vraiment difficile de concevoir comment leur petit canot a pu échapper à la destruction seulement une minute. Il était d'ailleurs construit pour le service de la pêche à la baleine et muni, comme j'ai pu le vérifier depuis lors, de cavités à air, à l'instar de quelques canots de sauvetage sur la côte du Pays de Galles. Après qu'ils eurent vainement cherché pendant tout le temps que j'ai dit, ils se déterminèrent à retourner à bord. Ils avaient à peine pris cette résolution qu'un faible cri s'éleva d'un objet noir qui passait rapidement auprès d'eux. Ils se mirent à la poursuite de la chose et l'attrapèrent. C'était le pont de l'Ariel et sa cabine. Auguste se débattait auprès, comme dans sa suprême agonie. En s'emparant de lui, on vit qu'il était attaché par une corde à la charpente flottante. Cette corde, on se le rappelle, c'était moi qui la lui avais passée autour de la taille et l'avais fixée à un anneau pour le maintenir dans une bonne position. Et, en faisant ainsi, j'avais finalement, à ce qu'il paraît, pourvu au moyen de lui sauver la vie. L'Ariel était légèrement construit et toute sa charpente, en plongeant, s'était brisée. Le pont de la cabine, tout naturellement, fut soulevé par la force de l'eau qui s'y précipitait, se détacha complètement de la membrure et se mit à flotter, avec d'autres fragments sans doute, à la surface. Auguste flottait avec et avait ainsi échappé à une mort terrible. Ce ne fut que plus d'une heure après avoir été déposé à bord du pingouin qu'il put donner signe de vie et comprendre la nature de l'accident qui était survenu à notre bateau. À la longue, il se réveilla complètement et parla longuement de ses sensations quand il était dans l'eau. À peine avait-il repris un peu conscience de lui-même qu'il s'était trouvé au-dessous du niveau de l'eau, tournant, tournant avec une inconcevable rapidité et se sentant une corde étroitement serrée et roulée deux ou trois fois autour du cou. Un instant après, il s'était senti remonter rapidement quand, sa tête heurtant violemment contre une matière dure, il était retombé dans son insensibilité. En revenant à lui de nouveau, il s'était senti plus maître de sa raison. Cependant, elle était encore singulièrement confuse et obscurcie. Il comprit alors qu'il était arrivé quelque accident et qu'il était dans l'eau, bien que sa bouche fût au-dessus de la surface et qu'il pût respirer avec quelque liberté. Peut-être en ce moment, la cabine filait rapidement devant le vent et l'entraînait ainsi, lui flottant et couché sur le dos. Aussi longtemps qu'il aurait pu garder cette position, il eût été presque impossible qu'il fût noyé. Un coup de lame le jeta tout à fait en travers du pont. Il s'efforça de garder cette position nouvelle, criant par intervalles « Au secours !» Juste avant d'être enfin découvert par M. Anderson, il avait été obligé de lâcher prise par suite de son épuisement. Et, retombant dans la mer, il s'était cru perdu. Pendant tout le temps qu'avait duré cette lutte, il ne lui était pas revenu le plus léger souvenir de l'Ariel, ni d'autre chose ayant rapport à l'origine de la catastrophe. Un vague sentiment de terreur et de désespoir avait pris possession de toutes ses facultés. Quand finalement il fut repêché, toute sa raison l'avait abandonné. Et, comme je l'ai déjà dit, ce ne fut guère qu'une heure après avoir été pris à bord du Pingouin qu'il eut pleinement conscience de sa situation. En ce qui me concerne, je fus tiré d'un état très voisin de la mort. Et seulement après 3 heures et demie, pendant lesquelles tous les moyens furent employés, par de vigoureuses frictions de flanelle trempées dans l'huile chaude. Procédé qui fut suggéré par Auguste. La blessure de mon cou, quoique d'une assez affreuse apparence, n'avait pas une grande gravité, et j'en guéris bien vite. Le Pingouin entra au port à 9 heures du matin, après avoir eu à lutter contre une des brises les plus carabinées qui ait jamais soufflé au large de Nantucket. Auguste et moi, nous nous arrangeâmes pour paraître chez M. Barnard à l'heure du déjeuner, qui, heureusement, se trouvait un peu retardé à cause de la soirée précédente. Je suppose que toutes les personnes présentes à table étaient trop fatiguées elles-mêmes pour remarquer notre physionomie harassée, car il n'eût pas fallu une bien grande attention pour s'en apercevoir. D'ailleurs, les écoliers sont capables d'accomplir des miracles en fait de tromperie. Et je ne crois pas qu'il soit venu à l'esprit d'un seul de nos amis de Nantucket que la terrible histoire que racontèrent en ville quelques marins, qu'ils avaient coulé un navire en mer et noyé 30 ou 40 pauvres diables, pût avoir trait à l'Ariel, à mon camarade ou à moi. Lui et moi, nous avons depuis lors causé plus d'une fois de l'aventure, mais jamais sans un frisson. Dans une de nos conversations, Auguste me confessa franchement que de toute sa vie, il n'avait jamais éprouvé une si atroce sensation d'effroi que quand, sur notre petit bateau, il avait tout d'un coup découvert toute l'étendue de son ivresse et qu'il s'était senti écrasé par elle.